L'actualité à Nancy et ailleurs. Avant d'œuvre les Nancy, une grande soirée culturelle est organisée pour célébrer le nouvel an berbère. Ce sera le samedi 24 janvier à la salle des fêtes. Et c'est organisé bien sûr par l'ACB Adelsan, l'ACB 54 Adelsan. Pour nous en parler, je suis accompagné en studio aujourd'hui de Camille et Tiziri. Bonjour et bienvenue. Bonjour. L'ACB existe depuis longtemps à Nancy. Hein. Oui, depuis des années déjà. Hein. On est une association culturelle située à Nancy. Et tout au long de l'année, on mène différents projets qu'on vous présentera, enfin on vous en parlera par la suite. L'ACB qu'on connaît aussi sur Fadjet, qui a longtemps eu une émission qui s'appelait, comme par hasard, Tiziri également. Camille et Tiziri, quels sont vos rôles respectifs? On va commencer avec Camille. Moi, je m'occupe de toute la communication au sein de l'ACB. Je m'occupe justement de mettre en lumière ce que l'ACB fait au quotidien. C'est mon plus grand rôle ici. Voilà, et les réseaux sociaux, on en parlera tout à l'heure. Et donc Tiziri ? Alors moi, dans l'association, je suis bénévole, donc je touche un petit peu à tous les événements qu'on organise au cours de l'année, je suis là. J'organise aussi l'atelier couture, pardon, qui a lieu tous les dimanches au siège de l'ACB, où beaucoup de monde à chaque fois vient, on rigole tout ensemble, on prépare le café, et puis comme dans son nom, on fait de la couture. Et là, vous venez aujourd'hui pour parler de l'ACB, mais surtout d'un bel événement, il y en a hier. Exactement. On sera quelle année ? 1976. Voilà, alors parlez-nous un peu de ce nouvel an berbère. Le nouvel an berbère, c'est une célébration très importante pour nous. C'est aussi un moment où on se réunit tous, un moment vraiment convivial. C'est bien plus qu'une fête, en fait, c'est un temps de partage, de transmission, de joie, de rassemblement. Et comme chaque année, du coup, on prépare une belle soirée avec plein d'événements au cours de la soirée, de bons moments. Oui, il y a différents temps forts lors de cette soirée, exactement. Donc ça sera la salle des fêtes de Vendeuve, on le rappelle, exactement. Le samedi 24 janvier. Parmi ces temps forts, expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre ce jour-là. Au programme de cette soirée, on aura plusieurs activités entre guillemets. On aura déjà un couscous qui sera préparé par nos bénévoles. Donc un couscous préparé avec amour, parce que la cuisine chez nous, c'est aussi une façon de nous rassembler. Il y aura également une chorale faite par les enfants de l'association qui viennent s'entraîner tous les week-ends pour chanter, etc. Voilà. Et ils vont également organiser un défilé de robes kabyles, donc spécialement pour les petits, pour les petites filles. Ensuite, il y aura aussi un défilé de robes berbères, donc ça va être des robes qui touchent en fait tous les pays du Maghreb qui sont Mazir. Donc c'est pas forcément que l'Algérie, mais aussi le Maroc avec les rifs, les chlochs, tout ça, même en Tunisie, tout ce qui est djerba, etc. Nous, ça nous a permis en fait de mettre en lumière la diversité, la richesse de notre culture pour montrer aux gens que berbère, c'est pas forcément que kabyle, mais ça touche aussi beaucoup d'autres pays en général. Il y aura aussi une tombola qui sera organisée et c'est important de préciser que l'argent qui sera récolté durant cette tombola, elle sera utilisée pour le reboisement de la Kabylie parce qu'à un moment, il y a eu beaucoup de feux de forêt et du coup, pour nous, ça a été un gros projet qui nous tenait vraiment à cœur de pouvoir reboiser pour pouvoir avancer, on va dire ça comme ça. Pour nous, c'est donc un geste vraiment solidaire et très concret. Ça fait déjà des années qu'on mène ce projet. Et il y a aussi un grand concert. Oui, exactement. Oui. La soirée ne s'arrête pas à ça. On aura l'honneur d'accueillir un artiste qui est très connu du coup en Kabylie, un chanteur plus marquant que jamais qui s'appelle Zdek Mouloud, qui accompagne cette soirée. Il nous fera l'honneur de donner un concert unique lors de cette soirée d'Innayer, suivi d'une séance de dédicaces. C'est un moment très attendu, aussi bien pour les passionnés de musique que pour les amoureux de la culture kabyle. Eh bien, ça promet une belle soirée, dites-moi oui, tout ça. Oui, en effet. Ça se prépare longtemps à l'avance ? Ah oui, on prépare ça en avance, parce qu'il faut qu'on soit sûr que tout soit bien préparé, oui. Même pour les gens qui soient bien accueillis, qu'il n'y ait pas des moments d'ennui ou quoi. On essaie de faire en sorte que la soirée soit parfaite, en fait. C'est ça. Voilà. Vous accueillez beaucoup de monde lorsque vous faites le Nouvel An berbère ? Alors l'année dernière, on a accueilli 450 personnes. Cette année, on prévoit la même chose, voire même peut-être un peu plus, parce que du coup, justement, il y a Zdek Mouloud qui vient. Donc à voir ce que ça va donner, mais on attend cette soirée avec impatience. Ça monopolise aussi beaucoup de bénévoles. Vous parliez des enfants aussi qui viennent. Enfin, je suppose que ça rassemble pas mal de monde. Ça rassemble pas mal de monde, parce qu'on a déjà la partie cuisine. Donc il faut un service qui soit quand même au top. Pareil pour le défilé des robes. Mmh. On a les modèles justement qui viennent, qui défilent, les organisatrices qui sont là aussi pour faire en sorte que tout se passe bien, les animateurs pendant la soirée. On a quand même beaucoup, beaucoup de bénévoles, ceux qui vont s'occuper des entrées. Et si on veut participer et vivre avec vous ce grand temps fort, comment il faut faire aujourd'hui ? Il faut réserver, j'imagine ? Oui, il faut réserver. On a ouvert un site pour pouvoir réserver les places directement sur Internet. Ou sinon, le jour même, c'est possible de payer sa place directement à la salle des fêtes. D'accord. Pour les personnes qui ont peur peut-être de payer sur Internet, etc. Voilà, c'est et pour l'instant aussi, c'est possible de prendre les places à la CB. 108 boulevard Lobo, au siège, payé sur place, en espèces. Voilà. C'est ça, en espèces, en carte bancaire aussi, je crois. Carte bancaire aussi, c'est possible. Ouais. On retrouve tout ça, les adresses, réseaux sociaux. Là, c'est... Tout est sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure, parmi les différentes actions, des ateliers. Qu'est-ce que vous aimeriez remettre en avant aussi parmi ce que vous faites au cours d'une année ? Au cours de l'année, on a beaucoup de projets qui sont en route, on fait beaucoup d'activités. Si je peux donner quelques exemples, par exemple, le vendredi soir, on a l'atelier Pilates, donc c'est des cours de Pilates qui sont donnés par une professeure. C'est un cours d'une heure, puis ça permet de se détendre, de faire un petit peu de sport, etc. C'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut venir. Et ça se passe à Saint-Max. C'est le centre social de Saint-Max. Mais je crois que les informations, elles sont sur Instagram, je crois. Bien sûr, bien sûr. Tout est sur Instagram. Camille fait tout. Oui, exactement. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, on a aussi du coup le reboisement de la Kabylie. Voilà. Oui. On essaie de soutenir ce projet-là à fond parce que c'est quelque chose du coup qui nous tient à cœur. Et on a d'autres projets aussi comme le défilé de la robe kabyle qui se déroule aussi chaque année vers le mois de juin, il me semble. Après, ça dépend des années. Et puis à chaque fois, voilà, une couturière qui vient avec des modèles de la CB pour pouvoir présenter ses robes. Et ça, ça se passe à la mairie de Nancy. C'est très bien, il y a un très bon cadre, c'est très chaleureux, c'est ouvert à tout le monde, etc. Exactement. Et le truc le plus important aussi qui nous tient à cœur, c'est l'hommage à Mahatou Blounès. Oui. Donc c'est un chanteur kabyle qui est mort il y a bien maintenant des années. D'ailleurs, son anniversaire, c'est le 24 janvier. Voilà. On a fait Yindayal à cette date-là. Bon, c'était pas prévu, mais bon, on va dire que c'est pas une coïncidence, on va dire. Voilà, donc nous aussi, à chaque fois, aller dans la rue Mahatou Blounès pour déposer des fleurs, pour nous, c'est important parce que c'est un chanteur qui a beaucoup compté dans la culture kabyle. Cette prochaine actualité, bien sûr, c'est ce nouvel an berbère, Yenayer 2976. Exactement. Qu'on peut vivre avec vous le samedi 24 janvier à la salle des fêtes de Vendeuvre-les-Nancy. Je vous laisse peut-être le dernier argument pour donner envie aux gens de venir fêter ce nouvel an avec vous. Si vous voulez bien manger, passer une soirée, vous allez danser, vous allez rire, vous allez être émerveillé par tout ce qui va se passer, venez. Ouais. Voilà. Merci et on suit bien sûr les réseaux sociaux. L'ACB Adelson. C'est ça, exactement. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.